suis rejeté par Black et Talon, la vie n'a pas su résister à mon charme de G. Ton amour sans le fromage d'herbe au bout de la route, je sais pas si j'arriverai en V. J't'aime à la folie collée, mon jardin d'Eden ne dépasse pas le matelas. Mes gènes sont souvent d'avis, un jour je suis congolais, un autre je suis aérois. Ma douce me connaît mieux que tout le monde, m'a soutenu dans moments de gloire et de peine. J'te regarde sans te voir comme la Joconde, toutes les chattes que j'aime s'avèrent être des chiennes. Les bêtes me montrent que t'es lessivé, né dans les ronces, le cœur est gratiné. Le sexe n'a plus de secret, j'entre et je sors comme les pièces d'un porte-monnaie. Comme un parfum Guerlain qui sont bons mais que n'achète pas à cause de sa négrophobie. J'suis ni mon cœur ni mon érection, pris tous les soirs pour que très haut m'éclaire quand je brille. J'suis un rappeur, auteur, compositeur, autant dire que j'mène ma vie comme je l'entends. J'ai le soutien de pas mal de chroniqueurs, ils savent que quand j'écris je ne fais pas semblant. Non, non, non. Sur la route du succès l'essence j'avais pas payé. Aujourd'hui j'suis repêché, j'ai du cash, les putains ne font qu'appeler. Non, non. Dans sa fosse profonde je m'enterre à chaque visite. Les choses sont souvent plus belles avant, comme le visage de Bardo Brugé. Non, non, tant de questions qu'elle me pose. Sur mon présent, sur mes névroses. Dis-moi ce que tu fais la nuit, dis-moi ce que tu fais dans la vie. Dis-moi ce que t'as contre les pieds, dis-moi si c'était vrai pour amnésie. Damso, dis-moi qui es-tu, dis-moi qui es-tu. Qui finit noir, non mieux vaut ne pas savoir. Dis-moi, dis-moi. Agnès pour seul exutoire, en répit ou aléatoire. Dis-moi. J'ai marqué sur le fond qu'elle lousse, je suis savon qui ne fait plus de mousse. Non. Je l'ai pas trompé, elle me repousse, je l'ai juste embrassé sur la bouche. Non. Ça commence par du Roméo et Juliette, ça finit par du Jackie et Michel. À genoux j'ai prié le ciel, loin de la musique attirée par les schnecks de Vixen. Je reçois des photos à poil de cul et de sang, je remercie du soutien quand je ken. Impossible de rester le même. Argent et succès quand rêve en réalité deviennent. Non, on ne fait pas de miracle en priant le diable. Drogue et livre sain sur la table. Mon cœur est photoshopé. On se vit de péché carné d'un amour macabre. Quand tu ne parleras plus de moi, c'est que je t'aurais tout donné sans recevoir en retour. Je suis un poumon dans un fumoir. Je respire le bien, mais il n'y a que du mal tout autour. Mes rêves à portée de main. Mais je l'ai sur le cœur, je ne sais tendre le bras. Demain de nous n'a plus besoin. Donc il me reste qu'aujourd'hui pour faire mes premiers pas. J'ai mis la vie dans son ventre. La première fois que pour bonne raison elle mouilla. Un peu de paradis dans mon monde. L'an du 6 retrouve mes proches du Alléluia. Dams, dams. Non, non. Tant de questions qu'elle me pose. Sur mon présent, sur mes névroses. Dis-moi ce que tu fais la nuit. Dis-moi ce que tu fais dans la vie. Dis-moi ce que t'as contre les filles. Dis-moi si c'était vrai pour amnésie. Dams, dis-moi qui es.